Hey, mais qu'est-ce qui se passe sur les 89.5 ? C'est le dernier lundi du mois, 13h, joie, rage et courage. Comme tous les derniers lundis du mois, on commence une petite heure d'émission avec des sons, de la musique, des reportages, des extraits sonores, des blancs, des et puis de la joie, de la rage et du courage. Alors, de quoi on va parler ce mois-ci ? Eh bien, ce mois-ci, on va faire une réédition de la dernière émission de Joie, Rage et Courage qui a eu lieu le 31 décembre. On a changé quelques petits trucs, mais en tout cas, on va parler du même sujet, de la course à pied. Alors voilà, il est temps de chausser vos baskets, de mettre votre plus beau débardeur, ou pas, et puis de partir, vous dégourdir les jambes, la neige n'empêche pas de courir. Le point de départ de ce choix d'émission étrange pour certains, c'est le fait de peut-être de parler un peu de sport, et vous pouvez imaginer le sport autrement. Et du coup, il y a plein de thèmes qui me sont arrivés dans la tête. Et puis, en fait, ne serait-ce que le thème de la course à pied, ça remplissait largement la petite heure qui m'est réservée. Et donc, aujourd'hui, on va parler que de course à pied. Mais peut-être que plus tard, il y en aura sur d'autres thèmes. Ouais, mais alors, c'est bien gentil, mais la course à pied sur quoi ? La course après le temps, la course après sa jeunesse, la course après, pour fuir les flics, la course à pied, il y a plein de types de course à pied. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la course à pied, le sport, la course à pied, sans but précis à part se faire du bien, voilà. Comment ça fait du bien, comment le capitalisme s'en empare pour en faire une niche de business, mais comment il y a eu des situations et des cas où la course à pied fut un outil d'émancipation. Bref, j'espère que ça vous donne envie. En tout cas, il va falloir attendre un peu car, comme tous les mois, on commence par une mini revue de presse. Voilà. Alors, hop, c'est parti. On va balancer le son. Et c'est parti pour la revue de presse. C'est la polémique qui existe par exemple sur l'usage du LBD. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire dans les usages de droit commun, normaux, pas dans des moments d'hyper-réaction en cas d'agression, mais donc j'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Je mets comme seule réserve un moment de réaction où ils seraient bousculés à terre, etc. Où évidemment, je ne leur en voudrais pas d'utiliser une arme de défense pour garantir leur propre défense à ce moment-là. Mais donc, je souhaite que la doctrine évolue. On va tester cela. Ça n'est pas définitif. Et si je le fais, c'est parce que j'ai toute confiance dans la façon dont ils l'utilisent. Christophe Castaner estime aussi qu'une centaine d'individus pourraient être concernés par des interdictions de manifester. Et selon lui, 4 personnes ont été gravement blessées à l'œil par des LBD depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ici, l'on solde. Tous les ans d'ailleurs, à la même époque, on solde. Si bien que depuis quelques jours, grâce au solde, c'est le ouf général. Eh oui, le ouf général, Castaner, qu'est-ce qu'il nous raconte il y a 6 jours, seulement 4 blessés par les boîtes de LBD. Ben voilà, hein, c'est les soldes, c'est la période, c'est janvier, c'est la fête. Au départ, on pensait que, parce que c'est des propos que pouvait tenir également notre ami lyonnais, ancien ministre de la Culture, de l'Intérieur, Bolapsus, on pensait que il avait des petits problèmes dus à son grand âge pour compter, etc. En fait, il s'agit pas de ça, parce que Castaner, il est un peu plus jeune et il a des erreurs aussi dans la comptabilité. Seulement 4 blessés par tirs de balles LBD, c'est beaucoup moins que ce qui a été comptabilisé. Vous avez écouté plein de reportages là-dessus, je suis sûr, sur les médias plus dominants, mais aussi sur peut-être sur Radio Dio. En tout cas, c'est certainement parce que Castaner s'adapte à la période, et c'est la période des soldes. Donc, aujourd'hui, sachez que il y a 4 blessés de LBD. Par les LBD, et puis sur Saint-Étienne, il y a un gros soleil, c'est les soldes. Les soldes, vous y croyez? Oui, j'y crois, bien sûr. Vous achetez en solde souvent? Souvent, au moment des soldes, oui. Au mois de juin ou au mois de janvier. Vous les guettez? Je les guette, oui, je regarde dans le journal s'il y a des soldes, enfin les boutiques qui m'intéressent en solde. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et on lui dit, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici? Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, j'ai dit, des bruits ont couru, mais il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout, il y en a qui courent plus pressés. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Et je lui dis, mais pourquoi courir si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus il en gagne. Mais je lui dis, où court-il? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant et ils repartent au courant gagner d'autres. Je lui dis le reste du temps, il me dit qu'on fait leur course au marché. Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. J'ai un ami médecin qui dit toujours tout ça c'est de la connerie sur les endomorphines. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit on y va, on est un peu fatigué, etc. Puis on s'est mis dans le rythme et tout d'un coup il y a le bien-être et cette espèce de moment où justement le corps est un peu comme une machine et puis la tête peut se libérer. C'est à ce moment-là qu'on peut se mettre à penser et c'est vrai, quelque part, à se rapprocher un peu du ciel. Running was a way of self-expression. It was very simple. You'd almost need no equipment. We ran not naked, but close to it. And so it was our equivalent of going to Woodstock and listening to music and doing something quite natural. Some people express themselves through music, and some people express themselves through drugs, moi, I express myself through running. Et voilà une petite intro sur la course à pied, une course à pied du coup qu'on va aborder sur juste uniquement le thème de, ben, du plaisir de courir et non pas se faire courir après. Donc voilà, on va parler forcément un peu de ce qu'on ressent quand on court, de l'impression de se retrouver soi-même, de comprendre un peu aussi mieux le monde qui est autour de nous. Aussi, au bout d'un moment, le plaisir de prendre de l'andromorphine, c'est une hormone qui est produite par l'effort. Et qui amène comme un petit shoot, et aussi qui permet peut-être des fois à faire s'évader son esprit, et voilà. Courir, c'est aussi dépasser le temps, aller plus loin qu'une distance, qu'une barrière, qu'un dénivelé. C'est franchir l'heure de course, mais c'est aussi franchir une vallée ou la barre fatidique des 42 195 mètres, la distance du marathon. Courir, c'est sentir de nouveau sa respiration, ressentir son corps. C'est, c'est voir défiler... observer le paysage et le voir défiler, essayer de défier l'horizon pour essayer de l'atteindre. Courir, c'est quelque chose qui nous change, qui nous permet d'évoluer, de sortir un peu de ce monde. Courir, c'est aussi de se dégager du temps pour soi, du temps aussi avec les autres, du temps qui n'est pas productif. En tout cas, courir, c'est une pratique qu'on peut faire seul, mais c'est aussi une pratique qu'on peut faire à plusieurs. C'est le plaisir de se faire, de prendre du temps et de se faire plaisir à soi, de faire des choses avec d'autres, de s'encourager, se motiver, se dépasser, se sentir se progresser et sentir les autres progresser. Et c'est un autre bonheur aussi également agréable. C'est sentir se sentir dans un groupe et se sentir aussi soi-même, enfin, des fois, quand tout autour de nous, on nous impose une manière de faire, d'agir, de vivre, etc. On va essayer de parler de tout ça. C'est des choses certainement qui peuvent parler aux personnes qui courent ou qui font aussi certainement d'autres sports, mais aussi on va parler dans cette heure de comment le capitalisme s'empare de cette pratique pour la détourner et faire toujours plus de profit et peut-être nous mettre de plus en plus au pas. Pour préparer cette émission, on va s'appuyer principalement sur deux documentaires. L'homme est-il fait pour courir ? Super intéressant. Sur un ethnologue, il me semble, qui en fait a étudié la course à pied, la pratique et aussi la course à pied du coup en Occident, mais aussi ailleurs dans d'autres pays, d'autres endroits. On va surtout s'appuyer sur un autre documentaire qui est accessible et visible sur le site des médiathèques de la Loire, qui est en fait Free to Run, qui est un documentaire qui aborde plusieurs sujets autour de la course à pied comme outil d'émancipation. Mais on va aussi aborder la question de l'utilisation, comme on a dit, du marché de la course à pied. On va passer un petit extrait d'abord de Free to Run, et après un petit morceau de musique. Allez hop, c'est parti. It's so earthy. La course à pied, c'est tellement organique. That's a little exaggerated. But, c'est quelque chose qu'on fait soi-même. On invente sa course. Personne ne t'aide. Personne ne t'influence. Tu es juste dans la nature. Il n'y a que toi et le monde. sare ho Eyin o shika e ma saka You wait dead to bad bad bad things Run run run run run run Eyin ni bi e ma sare ho Eyin o shika e ma saka You wait to cheat and steal and backstab your brother And rape our sisters. But you did kill the children with no remorse. You want to send our men and women to war. To die and kill for what you believe in. Me, I want to see a brighter day. With the children playing, laughing. I want to see a happy face. With the nation growing, thriving. You want to make the things they had for the people and you try to hide away. Et voilà, on va poursuivre cette émission sur la course à pied sur le 89.5 FM de Dio, dans l'émission Joueur, Rage et Courage, en écoutant un extrait sonore d'un CD qui accompagne une revue qui s'appelle Jeff Clack. C'est un numéro qui sont faits sur la course à pied. Je crois de mémoire, le nom s'appelle... je ne sais même plus. Bref, vous le retrouvez sur le site de Jeff Clack et je mettrai en lien sur le blog de Joueur, Rage et Courage, joueurragecourage.noblogs.org. Quoi qu'il en soit, c'est un extrait d'un interview, d'un son sur quelqu'un qui raconte le plaisir qu'il a à courir, mais aussi comment la technologie rentre dans sa pratique. Allez, c'est parti.

mais je n'avais rien qui permettait de le vérifier. Activity completed. Activity summary. Total distance 0 kilometers. Total duration 13. Je suis habitué maintenant à ça, c'est un besoin, et j'aime bien savoir combien je crame de calories par jour, et voilà, c'est comme ça, c'est un besoin. Après, je pourrais courir sans, je peux. Ça ne me changerait pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, je connais mon allure. Genre, tu pars, tu as 2 km de chauffe, ça je les connais. Je connais approximativement mes temps. Après, je sais que je peux galoper sur les 5 autres kilomètres à une allure assez soutenue, et le dernier kilomètre. Mais c'est devenu tellement une habitude qu'aujourd'hui, oui, je pourrais éventuellement oublier la montre, mais je ne l'oublie pas. Voilà, c'est... Je n'oublie pas. Il ne l'oublie pas. Et oui, en fait, ce témoignage, il est plutôt intéressant à mon goût, parce que en fait, il amène comment... Et ben la course à pied, c'est un des sports les plus accessibles pour toutes. Et ben il suffit d'un jogging coupé, d'un t-shirt et une paire de chaussures, ou même pas du tout. Il y a une pratique dite minimaliste qui développe aussi la course à pied sans chaussures. Pour ça, je vous renvoie vers le documentaire « L'homme est-il fait pour courir ?» Et en fait, chemin faisant, le temps faisant, on y trouve du plaisir, du bonheur, etc. Et en fait, au bout d'un moment, vient s'immiscer. Des fois l'esprit de compétition, des fois la question de la performance de la technologie, et c'est une des portes d'entrée par lesquelles le marché de la course à pied sur lequel le marché de la course à pied essaie de profiter. C'est-à-dire que du coup on développe, et on communique à fond sur la course à pied ne se fait pas, se fait surtout aussi avec des montres connectées, même maintenant de plus en plus des habits connectés, des gadgets en fait. Des gadgets qui. Des applications sur les téléphones, etc. Et en fait, tout ça, permettent à l'individu en fait, d'intégrer la technologie dans ses pratiques, même des pratiques qui peuvent l'émanciper. Des gadgets qui sont en fait des choses également de contrôle, comme les montres GPS, mais aussi des trucs marchands sur les marques, tout ce qui est produit un peu gadget, enfin superflu, etc., dont on n'a pas forcément besoin pour courir et trouver du plaisir. Vous allez voir, c'est un peu développé dans un petit montage qu'on a appelé La Rue est vers l'or, car la course à pied, qui est maintenant appelée par eux le running, qui est du coup un terme plus moderne, fun, et etc. Le running devient le nouvel Eldorado, donc voilà, Rue est vers l'or. Alors Christophe, aujourd'hui on va s'intéresser à un véritable phénomène de mode, hein, le running. L'expression n'est vraiment pas galvaudée, car une étude très récente de la Fédération française d'athlétisme l'atteste. On a affaire à un véritable phénomène en pleine expansion. Tout à fait. En gros, on a 20% des Français qui pratiquent la course à pied. C'est un chiffre qui remonte au mois d'octobre 2014. Donc on est sur 9,5 millions de personnes. Et c'est en progression, puisqu'on était sur plus de 8 millions un an auparavant. Oui, mais ça veut dire qu'on gagne énormément de pratiquants. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un phénomène qui concerne toutes les couches de la société, avec des populations qui sont particulièrement pratiquantes. On observe, par exemple, que sur les classes moyennes supérieures, les CSP+, on est à 40%. Et on est sur des chiffres très forts également sur les jeunes. Donc, on a des très grosses pointes sur certaines catégories. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on a quand même une partie de cette population qui est par ailleurs pratiquante très très régulière. Donc on a une sous-couche, si je puis dire, dans cette population de pratiquants. Et on est aussi bien d'ailleurs sur une population masculine que féminine. C'est intéressant également à souligner. Alors vous le disiez, il y a une espèce de sous-couche, de sous-catégorie parmi ces gens-là, de pratiquants un petit peu plus assidus, des pratiquants qui vont d'ailleurs au-delà finalement de la pratique loisir et qui vont même carrément jusqu'à la pratique compétition. Et on va le voir, là aussi le chiffre est impressionnant. Effectivement, 1,5 million de personnes, toujours octobre 2014, hein, date de l'étude, qui pratiquent des courses, une à plusieurs courses. Donc après, on a même des amateurs quasi professionnels. Donc on est sur 17% de ces pratiquants. Et c'est intéressant parce qu'au fond, on a un sport dans le sport, puisque ce n'est pas du tout la même manière de pratiquer. Et là, on voit des images du marathon de Paris. Évidemment, c'est un tout autre univers, hein, puisqu'on dit que pour faire un marathon, il faut courir 4 fois 10 km dans la semaine. Donc on est vraiment sur une autre pratique. Et certains de ces pratiquants peuvent d'ailleurs faire un marathon et puis après repasser à une pratique plus douce, si on peut dire. Donc on est vraiment sur un phénomène de société avec différentes approches selon les individus, les âges. C'est tout à fait passionnant. Ouais. Et ça place d'ailleurs le running à un niveau très élevé finalement parmi les sports pratiqués, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui le football est le sport le plus pratiqué, en tout cas où il y a le plus de licenciés avec 2 millions de licenciés. Derrière, c'est le tennis avec 1 million. Donc finalement, le running ne serait pas très loin. Hein. Et ben effectivement, et c'est même un énorme enjeu pour la Fédération d'athlétisme, Fédération française d'athlétisme, qui s'intéresse de très près au phénomène depuis plusieurs années, à telle enseigne qu'elle a tout juste organisé son premier sommet de la course à pied. Et l'idée, c'est quoi ? C'est comprendre ce phénomène et l'accompagner, parce que derrière, il y a un énorme enjeu pour la Fédération. Et pas seulement pour la fédération, puisque une des conséquences de cet engouement massif, eh bien, c'est que le running est devenu un marché à part entière, un marché économique à part entière. C'est un marché, je dirais, en voie de développement, parce que non seulement le marché croît avec le développement de la pratique, et puis aussi c'est un marché qui est en train de se segmenter. Alors globalement, on estime, c'est un chiffre de la société d'études marketing NPD qui chiffre le marché à 403 millions environ. Et donc avec plusieurs sous-marchés, là aussi, segments de marché pour être plus précis, puisqu'on a les baskets, et puis il y a aussi le textile, et puis il y a aussi la nutrition. Les baskets, enfin en tout cas les running, comme on dit, vous avez eu près de 9 millions de paires vendues par an, hein, c'est énorme. Et oui, parce qu'on a compté que grosso modo, on change de chaussures une fois tous les 12 mois à peu près, voire plus selon la pratique. Et là où ça devient toujours plus intéressant, c'est que c'est un marché qui se professionnalise toujours plus parce que bah, selon le pratiquant, il y a un certain type de chaussures. De plus en plus pointues. Hein. C'est toujours plus technologique. Tout à fait. Et donc, bah, tout ça fait que ce marché se segmente, se structure. Certaines enseignes en profitent bien plus que d'autres. D'autant que, tout à l'heure, on parlait de ces produits complémentaires. Je crois que vous travaillez dessus aussi. Vous avez tous ces produits connectés. Donc on est vraiment sur un secteur toujours plus diversifié, développé et avec des enjeux toujours plus conséquents. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. On conserve une petite marge de croissance quand même, ceci dit ? Oui, pour une bonne raison, c'est que la pratique se développe. On voit bien qu'il y a un phénomène sociologique parce que même si la pratique de la course à pied se réduit l'âge avançant, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de seniors actifs, pour ne pas dire très actifs. Donc on a un potentiel démographique qui s'est considérablement accru ces dernières années et qui, bon an mal an, progresse. Étant donné que c'est un marché très concurrentiel, le running aujourd'hui, si on n'innove pas, on est mort. On voit bien que les marques essayent de maintenir cette dynamique, cet engouement qui est autour de la course à pied. Bienvenue dans le monde du running, le nouvel Eldorado du business dans le sport. De personnes supplémentaires en moins de 2 ans. On voit donc que c'est important et surtout que ce sont les femmes qui constituent maintenant la force montante du peloton. Bref, un panorama de sociologie économique très instructif. Alors ça s'explique tout ça? On a des raisons objectives à cette explosion de la course à pied? Oui, il y en a plusieurs. Pour ma part, j'en ai identifié au moins trois. La première, c'est d'abord que c'est une bonne réponse à la théorie économique de l'offre. Plus on vous propose d'opportunités, eh bien plus vous développez l'activité. Or, en France, il y a aujourd'hui 5800 courses, dont 57 marathons officiellement recensés. Deuxième point, le running, c'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui, hein, terminer le jogging, correspond parfaitement à l'évolution de notre organisation professionnelle et personnelle. On a de moins en moins de temps, eh bien, la course à pied, c'est la discipline idéale des gens pressés, une heure, une douche et l'affaire est réglée. Et puis enfin, troisième point, c'est un sport d'indépendant. Il n'y a pas d'installation spécifique, il n'y a pas de club obligatoire et un équipement est relativement peu onéreux. Dites-moi, le sport, et ce sport-là, il échappe au business ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Le running, sous couvert de simplicité, avance masqué. Dans chaque foulée, se niche de la R&D, vous savez, de la recherche et du développement. Il y a des puces dans les talons, il y a des capteurs dans les textiles, on met des applis dans les smartphones. Il y a aussi une grosse bataille industrielle, des débauches de marketing et bien sûr, pour les meilleurs, de solides profits. Regardez, le seul marché de la chaussure pèse aujourd'hui plus de 400 millions d'euros par an. Tous les grands noms Nike, Adidas, Asics se le disputent. Et puis dans leurs traces, il y a une jolie troupe de PME très high-tech, comme le français Oka, le lyonnais Citizen Science avec ses maillots connectés, le breton Oversteam qui est un spécialiste des compléments alimentaires. Et puis aussi, il y a le développement de réseaux commerciaux. 240 nouveaux magasins experts en running se sont créés en France. Bref, on voit se déployer un très solide business pour favoriser et accompagner les émules de Mimoun ou de Zatopek. Bon, ben voilà, j'espère que vous n'avez pas trop saigné des oreilles, parce que c'est un peu dur à entendre tout ça. Eh ben oui, on a bien vu. Hein. Comme il l'a dit, il paraîtrait que dans chaque foulée se cache une niche de marché. On voit ici vraiment les propos et les arguments des économistes et des gros vampires qui tournent autour de chaque petite pratique pour maximiser leur profit. Et ben voilà, on catégorise les personnes qui le font. On cible les CSP+, ceux qui ont de l'argent. On leur vend du rêve, des exploits, des choses comme ça, et on oublie un peu l'émancipation que le sport peut apporter. On parle de femmes. On va passer un petit morceau et après on reviendra sur les femmes dans la course à pied. Et on va voir que ce fut une lutte importante qu'elles ont menée. Pour que ça puisse se faire. Et puis après, on parlera de Spiridon, un fanzine de course à pied autrement. Mais avant ça, un petit morceau, Verse Arndt Boes, ouais, l'anglais quoi, tu vois. So burn, but we are Ça change de la housse, hein, comme on dit dans les studios de Radio Dio. Revenons à la course à pied et aux femmes. Dans le documentaire Free to Run, il y a tout un gros chapitre consacré à ce sujet, qui revient historiquement d'abord sur la course à pied dans les compétitions, notamment olympiques. Il faut savoir qu'au JO d'Amsterdam en 1928, il y a eu un 800 mètres. Et en fait, suite à ce 800 mètres, il y a eu des articles dans la presse et des commentaires du comité olympique racontant que 5 des concurrentes sur 11 s'étaient écroulées et n'avaient pu finir ce 800 mètres. Bref, que les femmes n'étaient pas capables de courir 800 mètres et donc cette discipline a été sortie tout comme toutes les autres disciplines de plus de 800 mètres, donc de demi-fond ou de fond, des disciplines olympiques ou des disciplines pouvant être pratiquées par les femmes. Il a fallu attendre 1960 pour que le 800 mètres redevienne aux Jeux Olympiques. Et pendant tout ce temps-là, y a eu un gros lobby des gros bourgeois, des fédérations qui voulaient contrôler le sport et cette discipline, mais aussi qui utilisait des arguments esthétiques, physiologiques, etc., aidés dans ce sens-là par des médecins, pour justifier le fait que les femmes ne pouvaient pas courir. Mais il y avait ici ou là des personnes qui n'acceptaient pas cela. On va écouter un extrait du documentaire. Le sport de compétition pour les femmes est un problème, évidemment. On a des congrès là-dessus. Ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. Ah, à la rigueur, on disait, allez faire autre chose. Faites de la gymnastique, les gymnastes sont belles, les patineuses sont belles, mais pas les coureuses. C'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon, hein. Il faut que ça soit très bon. I didn't understand that at all, because I felt fabulous whenever I was running. Car personnellement, je m'épanouissais en courant. So I refused to believe these myths. J'ai refusé de croire en tous ces mythes. Et j'ai décidé de faire du sport, d'être féminine et de devenir celle que je voulais être. Catherine Switzer est pourtant loin d'imaginer le destin qui l'attend. Elle n'est alors qu'une adolescente américaine comme les autres, que son père encourage juste à courir pour la toute première fois, pour améliorer sa forme et gagner le droit d'entrer dans l'équipe de hockey sur gazon du collège. Il m'a dit, tout ce que tu as à faire, c'est courir un mile par jour. Et je lui ai dit, what? Un mile par jour, dad? C'est comme grimper le Kilimanjaro. Quoi? Un mile par jour? Mais c'est comme grimper le Kilimanjaro. J'ai commencé à courir cette distance tous les jours. Et quelque chose d'incroyable s'est passé. Chaque jour, je courais. Je me sentais plus forte, plus courageuse. J'avais le sentiment d'être capable de tout faire, de conquérir le monde. Catherine Switzer grandit et en 1965, elle entre à l'université, où elle réalise très vite qu'il n'existe rien pour les femmes qui veulent courir. Elle va quand même trouver le coach d'athlétisme et lui demande de la prendre dans l'équipe des garçons. It was really funny to see his face because he kind of went like this. C'était vraiment drôle de voir sa tête. Well, I've been the coach here for 30 years and we've never had a girl. 30 ans et tu vois, mais but I have to tell you, it is against NCAA rules to let you run on the men's team. N'accepte pas que les femmes courent. La NCAA, c'est l'organisation qui, d'une main de fer, contrôle tout l'athlétisme universitaire aux États-Unis. Catherine Switzer n'en a pas grand-chose à faire. Et à force d'insister, elle réussit à se faire admettre dans l'équipe d'athlétisme. Eh oui, elle n'en a pas eu grand-chose à faire et c'est Catherine Fitzer, qui, entre autres, bousculèrent un peu les choses. Elle, mais aussi d'autres, se sont inscrites de manière en scred à des marathons, notamment au marathon de Boston, et elles l'ont fait, elles se sont grimées pour pouvoir courir, et voilà, dans le documentaire on voit des images assez impressionnantes de lorsque l'organisateur voyait qu'une femme courait le marathon, comment ils essayaient d'intervenir pour les empêcher de courir avec les autres en les plaquant au sol, etc. Mais comment elle et d'autres, soutenues par aussi d'autres coureurs, ont réussi à montrer qu'elles avaient envie de le faire et qu'elles étaient capables de le faire, et qu'elles s'en moquaient bien de leur fonctionnement et de leurs préjugés. Bref, on voit tout ça est très bien décrit dans ce documentaire, comment ça a été un combat pour faire des courses, mais en fait derrière tout ça c'est pour beaucoup plus forte sur la position des femmes dans la société. Donc voilà. Et Catherine Fitzer, après elle est partie en Europe pour lutter également sur la course à pied en Europe, mais aussi elle participait à un journal qui s'appelait Spiridon. Alors c'est un journal, fanzine, revue, on ne sait pas trop comment le décrire. C'est un journal sur la course à pied, loin du discours des fédérations et d'autres entrepreneurs de cette discipline. C'est un journal de coureurs et coureuses de longue distance qui s'adresse à leurs camarades de sous-bois, de pistes et autres chemins. Ça peut parler des records et différents résultats, mais aussi de portraits de certains coureurs. Ça donne des plans d'entraînement et des conseils santé, mais ça donne aussi une place importante aux femmes. Ça peut aussi parler de ces livreurs de 4 qui courent autant que du dernier marathon belge. Ce magazine de course à pied, il transpire le contre-pied, le croc en jambe, du sport spectacle et business. Je me dis que pour donner un peu d'ambiance, je pourrais parler du numéro 41 qui est sorti en 78. Dans ce numéro, il y a un article écrit par un coureur de fond actuellement incarcéré qui raconte comment il est dur pour lui mais aussi nécessaire de courir durant cette petite heure de promenade et de tenter de s'entraîner sur la boucle de 128 mètres que fait la cour de prison. Dans l'édito que je vais lire, Tamini, donc l'un des créateurs du journal, parle d'une autre lettre qu'il a reçue. Voici un extrait donc. Un coureur à pied est entré en prison à Fresnes. Le 6 novembre, il m'écrit. Moi qui m'entraînais à raison de 25 à 30 kilos par jour, j'avais la foi. Il aura fallu cette fatalité. J'ai l'impression parfois de sortir d'un rêve ou bien de devenir cinglé. Le plus dur, dans ce régime carcéral, la nuit, c'est terrible. J'ai l'impression que chaque jour, je vais sortir. Et chaque fois, l'espoir s'écroule. Que te dire d'autre sinon que j'essaie d'entretenir la forme en travaillant les abdominaux. C'est toujours ça. Un coureur en prison, un oiseau en cage, il ne leur reste plus qu'à chanter. Mais que chanter quand on ne peut pas voler, quand on ne peut plus courir. Prisonnier du monde moderne, du milieu que notre vie nous impose, prisonnier que de notre destin, de notre condition d'homme ou de femme, du rôle que nous jouons avec au pied les fers de nos ambitions et les chaînes de nos choix. Ne sommes-nous pas tous des prisonniers ? La prison. Ne serait-ce pas plutôt un état d'esprit avant tout ? Car mes avis qu'il y a autant de liberté dans la vie du prisonnier qui s'entraîne dans la cour que dans celle des futurs champions robots que telle raison d'état condamne à produire des médailles. On se souviendra longtemps encore du français Michel Jazzy, et le plus célèbre prisonnier des Jeux de Tokyo. Ployant tout sous la charge de favori, Jazzy courut comme un crucifié, avec sur ses épaules la lourde croix de l'opinion publique. Il y a 1000 fois plus de liberté dans la foulée du vétéran anonyme qui trottine au bois de Vincennes que dans celle du champion qui polie sa forme à l'INS, l'Institut National du Sport, ou à Macolin. Il y a fort longtemps, un poète péruvien, devenu depuis lors anonyme, écrivit une chanson que chante aujourd'hui un vieil homme au visage indien. Le poète et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui, intitulé El Pajarillo, Petit Oiseau, cette chanson a pour dernier couplet cette simple phrase. À quoi servent aux captifs des fers d'argent et des grilles d'or s'il n'a pas de liberté ? À quoi nous servent une voiture toujours plus puissante, une maison bien à soi ? Une résidence très secondaire, un salaire toujours plus élevé, du travail plein les bras, une considération de plus en plus générale, un âge de plus en plus canonique si ce sont autant de fers d'argent et de grilles d'or qui nous rivent à notre fauteuil d'homme tronc. À quoi cela nous sert-il si pour cela nous avons perdu et l'usage de nos jambes et le goût des choses simples ? Le vrai goût de la vie, écria encore Soyensin, on ne le trouve pas dans les grandes choses, mais dans les petites. Il est dans la recherche mal assurée du convalescent aux jambes flageolantes, dans la respiration prudente de celui qui a peur du poignard, de la douleur dans sa poitrine, dans la simple pomme de terre que le gel a épargnée et qui surnage dans ta soupe. Dans le sport comme dans la vie, tout est question de volonté et de courage, rien n'est hors de portée. Bref, voilà, ça c'était un édito de Spiridon. Et donc, on mettra en lien aussi sur le site Joueur, Rage et Courage, joueurragecourage.noblogs.org. Tous les numéros sont en PDF et trouvables sur Internet. Et donc, on mettra ça disponible. Allez, hop. Courage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce Joueur, Rage et Courage consacré à la course à pied. Vous pourrez réécouter l'émission sur le blog joueurragecourage.noblogs.org. Mais on y mettra aussi les liens vers les documentaires, des liens vers des textes, des liens vers d'autres choses, notamment des gens qui décident de plus faire de compétition ou alors autrement. Vous pourrez retrouver tout ça, la playlist et toutes les anciennes émissions sur le blog. Vous pourrez réagir, commenter, etc. Nous envoyer des messages sur notre adresse mail clapclap@riseup.net, clap@riseup.net. voilà, un gros joueur âgé courage à ceux qui peuvent de nouveau courir et puis à toutes les personnes qui s'activent ces derniers temps dans les faubourgs, les places et aussi les rues, notamment à Saint-Étienne. Voilà. On se retrouve le mois prochain, dernier lundi du mois, 13h, et on y causera de la bourse du travail et de l'urbanisme, l'erreur est urbaine.